L'apparition, entre guillemets, ne revint pas. Elle ne revint pas dans la salle, mais elle revint dans l'esprit de Gwynplaine. Gwynplaine fut, dans une certaine mesure, troublé. Il lui sembla que pour la première fois de sa vie, il venait de voir une femme. Il en avait vu l'ombre dans toutes les femmes du peuple, et il en avait vu l'âme dans Déa. Il venait d'en voir la réalité, une promesse au sens et une menace à l'esprit. Ce mystère, le sexe, venait de lui apparaître. Et où ? Dans l'inaccessible. Il sentait de cette femme, on ne sait quel besoin bizarre, compliqué d'impossible. Deux instincts, l'un idéal, l'autre le sexe, combattaient en lui. Ce qui est certain, c'est qu'il n'avait pas cessé une minute d'adorer Déa. Il y avait eu en lui, et très avant, un désordre. Son sang avait une fièvre, mais c'était fini. Déa seule demeurait. L'incident s'oublia.